Afin de bien terminer cette étape printanière du Undead Incorporated Show, réanimation, et surtout puisque nous venons de franchir ce qui porte le nom d'été, sans pour autant le démontrer, rien de tel que de se mettre dans cette ambiance estivale que de vous forcer d'écouter un magnifique spécial Stoner Doom et de Voivod. Parce que nous, vos réanimateurs, ont à cœur ouvert le bien de leurs patients, ils feront tout pour l'acquérir. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsque vous découvrirez que l'assistant n'est pas plus médecin que le médecin n'est assistant et que, vu de cette façon, les deux se nuisent cordialement, donc un résultat plus que questionnable. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, because Pendragon said so. Spécial Gary Holt. Go!

de chacune des éditions. Parce que vous le savez, nous avons toujours plein de trucs. Et ce soir, nous avons des présentations d'albums de la part de Sinistros, un spécial de la part de Sinistros qu'on va entendre dans quelques instants. Et moi aussi, j'en avais deux spéciaux. En fait, ma section programmation se résume en deux spéciaux, soit celui que vous venez d'entendre et le prochain qui sera un spécial Stoner Doom. À l'instant, nous avons entendu une espèce de, je dirais, de... d'hymne, pour ainsi dire, Mr. Gary Holt, ce guitariste émérite, pour service rendu. Non, c'est un... Service rendu. Oui, service rendu. Bien important. Non, évidemment, Gary Holt, c'est un personnage très actif dans la scène métal. C'est un des musiciens des débuts de cette scène thrash metal, proprement dite, qui est encore tout à fait actif et qui plus est, marche dans plus d'une formation. Évidemment, dans Exodus, qui est encore une formation qui est très active, quoique il ne reste que deux membres originaux, évidemment. Lui et le drummer qui porte le nom de, j'ai un blanc de mémoire. Paul Bostaff. Non, l'Exodus, c'est pas Paul Bostaff. C'est... Tom Hunting, excusez. Oui, voilà. Mais qui maintenant évolue au sein de Slayer. Bref, on a entendu en début de bloc Exodus, bien sûr, avec 44 Magnum Opus, que l'on retrouve sur Shovel Headed Kill Machine, qui paraît en 2005, pardon, sur Nuclear Blast. C'est un album avec des pièces passablement longues, que je qualifierais de passablement bon aussi. Juste après, nous avions, en fait, non, je vais commencer par l'inverse. Je vais commencer par ce qu'on a entendu. J'étais en train de tout mélanger. T'es donc bien. J'étais en train de tout mélanger l'auditeur. Ah, ouais. L'auditeur. Oui, ça sera. Warbringer, à l'instant. Warbringer, Gary Holt, hein? Eh oui, Gary Holt a fait des tracks de guitare sur cet album, Waking into Nightmares de 2019. La pièce étant Severed Reality. C'est paru sur Century Media. Gary Holt a fait aussi des tracks de guitare sur la dernière parution de Witchery, soit Witchkrieg, qui est paru en 2010 sur Century Media également, soit la pièce Devil's Ride Out, excellente pièce d'ailleurs de cet album. Et Gary Holt joue aussi avec Slayer. Ah, regarde donc ça. Ben oui, mais il n'apparaît pas sur la pièce Cult, parce que Gary Holt n'a pas encore enregistré rien studio officiellement avec Slayer, mais il joue tout de même dans Slayer, puisqu'il remplace de façon magistrale, devrais-je dire, le regretté Jeff Hanneman. C'était la pièce Cult tirée de l'album Christ Illusion qui est paru en 2006 sur American Recording. Et effectivement, là, nous avons ouvert avec Exodus et la pièce 44 Magnum Opus qui est tirée, je le répète, sur Shovel Headed Kill Machine qui est paru en 2005 sur Nuclear Blast. Bon, j'aurai des chroniques musicales tout à l'heure, j'aurai des chroniques cinématographiques aussi, séries télévision. Je vous disais il y a quelques minutes que mon spécial était uniquement consacré pour le reste de ma participation à l'émission sur le style Stoner Doom. Donc, on va entendre des trucs qui sont, selon moi, fort intéressants. Est-ce que t'aimes le Stoner? Ça dépend quoi, pas tout. OK. Est-ce que t'aimes le Doom? Ça dépend quoi aussi, pas tout. Est-ce que t'aimes la musique? Ça dépend quoi aussi? Est-ce que t'aimes beaucoup de choses, beaucoup de choses. Est-ce que t'aimes les hot dogs? Ça dépend lesquels. OK. Est-ce que t'aimes les tiens? Ça dépend quand est-ce qu'on a acheté des petits. Bon, mais finalement, vous voyez que Sinistros, c'est un gars qui n'a aucune espèce de... J'ai pas de culture. Il y a... Non, je dirais pas jusqu'à culture, mais t'as pas de goût. T'as pas de goût développé, tu supposes, ça dépend à quoi. Un hot dog, c'est tout le temps bon. Ben non, si t'achètes des saucisses de mauvaise qualité, des scraps de mauvaise qualité. Oui, mais dans le hot dog, tu la perds, ce goût de scrap-là. Il s'agit des condiments que t'en mettes beaucoup plus. Ah, c'est sûr. Fais brûler ton pain, tu goûteras plus à saucisse. Bon, c'est évident, je change mal de place. Hein. Bon, bref, moi j'aime beaucoup le Stoner, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas tout le Stoner que j'aime. Parce qu'on a n'importe quel genre de musique. Évidemment, c'est pour ça que j'ai été retiré... la crème du Stoner. Ah, d'accord. Mais toi, t'as aussi un spécial à nous présenter. Ben oui, petit spécial Voivode. Pour terminer cette saison de réanimation, j'ai choisi 5 pièces qui démontrent 5 line-up différents. Donc, ça peut 5 line-up différents. Ça peut être assez différent. Oui, ben oui, c'est une bonne idée, ça. Ben oui, on va avoir sur Dimension Atroce, où ce qu'on retrouvait la formation originale de Voivode. Mm-hmm. Outer Limits, où ce qu'on a une version raccourcie parce que Blackie il est pas sur l'album. Effectivement. Qui est remplacé par un bassiste de session qui s'appelait Pierre Saint-Jean. Mais il s'appelle encore comme ça. Ben, il s'appelle encore comme ça, effectivement. Pierre Saint-Jean, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le guitariste-chanteur de Alcoholica Et le, ah oui, c'est vrai. Les guitaristes, oui. Chanteurs de, je pense, c'est Evans Cry, ça se peut-tu? Ça, je pourrais pas te dire. Il y a un band, en tout cas. On aura une pièce de Négatron qui marquait l'arrivée d'un bassiste chanteur et le départ de Snake. Eric Forrest. Eric Forrest. On aura 14 qui marquait le pas grand retour, mais le deuxième album, troisième album, deuxième album avec Snake, du retour de Snake. Ouais. Avec Jason Newsted à la basse et Target Earth qui marque le retour de Blackie. Mm-hmm. À la basse et l'arrivée de Chewy et Dan Mongrain à la guitare. Mm-hmm. Alors, c'est 5 line-up différents, 5 très bons line-up de toute façon. Ben, ça fait un beau survol. Ben, c'est cool. Moi, je trouve ben ça ouais. Assez intéressant. C'est ça, là, mais. on va se poser les doigts par an. Non, c'est une bonne idée. Alors, on va commencer tout de suite avec Technocratic Manipulators, série de Dimension A Trust de 1988. C'était sur Noise Records. Go! We'll be right back. tonight. Venus shines so ever bright. Deep in the woods where the stars. How did I come to get this far? Have this feeling. Blowing in the wind, I'm whistling an old melody to keep the beast away from me. I hear the call of croaking frogs answering me, lost in the fog. I tell myself everything's fine here in these woods for the first time. We'll be right back. c'est Blackie. Vous écoutez Dr. Pink and Dragon at Safe Food. Vous vous demandez où entendre les chroniques de Mathieu Plante cet été? Vous cherchez des segments à succès comme « C'est un fait ». Il n'a pas pris son bain depuis 37 ans. Et il est la personne qui sent le plus mauvais et la personne la plus sale à jamais avoir vécu. On le félicite. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Comme il dit souvent, similaire à « vu à la télé ouais. ». Ça, c'est la version ouais. cheap du vrai. De l'autre version cheap. Et Kinky Sexy Time. Tantôt, on parlait de quand t'aurais des relations sexuelles. Jean-Philippe les voit à l'avance, puis je vois sa face, puis c'est comme... Est-ce qu'il va le dire? Oui. Retrouvez-les toutes et plus encore dans une nouvelle émission estivale. Assemblage requis à la plage, les jeudis de 14h à 18h. On rappelle les samedis à midi et les dimanches à 10h. Tout l'été, assez fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Les Ormés, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Chaque mercredi midi de l'été, s'intonise C'est fou pour ton dîner dans une bouteille. Ton dîner dans une bouteille, c'est un florilège des chroniques La bière de la semaine réalisées dans le cadre du Dîner de con depuis 2011. Alors, si tu ne sais pas encore boire, écoute C'est fou le mercredi midi. En rediffusion les samedis, 11h. 89.1. C'est fou. C'est fou avant tout le monde. 89.1. Et vous êtes à l'antenne de C'est fou 89.1 FM et qui plus est, à réanimation des Undead Incorporated Show et ce jusqu'à 22h, dernière émission avant la pause estivale. Donc, si vous aviez des demandes spéciales à faire, ben, il est trop tard, on n'en prend plus. De toute façon, les gens ont compris qu'on n'en prenait tout simplement pas. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Sinistros à la noix? Un spécial Voivod avec la pièce Sympathy for the Enemy. C'est tiré de Target Earth, le dernier album de Voivod, qui regroupe Daniel Mongrain à la guitare, Blackie à la basse, Away à la batterie et Snake au vocal. Odds and Frauds, tiré de l'album 14, paru en 2006, où on le retrouvait... Jason Newsted à la basse, ainsi que les trois membres originaux dans leurs instruments respectifs. Mm-hmm. Nanoman, tiré de Negatron, qu'on retrouvait, ça c'est 1995, c'était avec Eric Forrest à la voix et à la basse, et avec Piggy et Away dans leurs instruments de chaudron et de cordes. De, c'est ça. Et de trucs... Le Pont Noir, où on retrouvait sur l'album Outer Limits avec les trois acolytes du début au vocal, à la guitare et à la batterie, ainsi qu'un bassiste de session qui s'appelle Pierre Saint-Jean pour l'album Technocratic Manipulator tiré de Dimension Atroce de 1988, où l'on retrouvait la formation originale de Voivod. Donc... Tu pars avec la formation originale et tu finis avec une formation quasi originale. Presque originale. Oui, parce que Daniel, on s'entend que c'est vraiment le successeur officiel, digne successeur de Piggy. Eh oui. Ceci étant dit, ben, c'était fort intéressant, mon ami. Des bonnes chansons. Ben, c'est de très belles comptines et ritournelles, effectivement. Eh oui. Oui. Je vais vous parler un petit peu chronique musicale. J'avais reçu de John Asher Publisher la formation montréalaise Born Broken qui donne dans un death thrash. L'album s'appelle The Healing Power of Hate. C'est une autoproduction qui est parue il y a pas très longtemps. Là. J'avais lu l'espèce de press kit qu'il y avait avec le CD que j'avais reçu, gracieuseté d'ailleurs, de John Asher. Et je dis ceci, la description que fait John Asher est un mélange de Pantera, Slayer, Sepultura, Lamb of God, etc. C'est effectivement la vérité. Ben, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai pas aimé. Ben, moi non, ben... J'ai pas détesté. Non, c'est ça. Il faut s'entendre que c'est pas du mauvais métal. Non, mais c'est déjà parfaitement entendu partout. Ben, c'est un TV dinner métallique. Là, c'est justement, ce que je dis, c'est bien lorsque Born Broken auront trouvé leur style propre, nous en reparlerons. Parce que présentement, moi, un band qui emprunte différents styles à différents bands major comme ça, l'identité est peut-être pas au rendez-vous. Peut-être changer le logo aussi, parce que ça fait pépé un petit peu. Oui, effectivement. La présentation de la pochette, quand même pas si mal, là. Mais j'ai trouvé que c'était très générique et c'est, malheureusement, je dois le dire comme je le pense, c'est très peu original. C'est ça. C'est bien fait. C'est bien fait. L'enregistrement est bon. Je veux dire, ça semble pas être des deux pics comme musiciens non plus. Non, mais c'est pas très original. Autre appréciation, en fait, j'avais. J'avais découvert cette formation-là parce que, ayant décidé de voir le spectacle d'Alice in Chains, je m'étais intéressé à qui faisait la première partie. Et c'est la formation canadienne Monster Truck. Et je me suis précipité sur le web pour aller écouter ce que les gars de Monster Truck faisaient. C'était un stoner qui était absolument vraiment, vraiment bon. J'ai aimé, je me suis procuré l'album le week-end dernier, un album qui est sorti très, très récemment, qui porte le nom de Furiosity. C'est leur premier album full-length parce que, auparavant, il y a eu une espèce de hippie démo, là, mais qui est disponible, là, chez les disquaires. Donc, Furiosity, c'est un album de stoner hard, très bien fait, très énergétique. Et je dirais original aussi en même temps. Moi, je donne un 8.5 sur 10 à ça. Pourquoi pas plus? Parce que moi, les albums qui ont des ballades, j'ai de la misère. Ouais. J'ai de la misère. C'est comme le dernier Kvelertak, Mir. Kvelertak, je parle pas du tout parce que c'est un très bon album, ça en passant, là, je le trouve vraiment. Moi, je trouve ça tellement, en tout cas, on en reviendra. Ouais, il est excellent. Mais c'est comme, je parlais la semaine dernière du dernier, le dernier album de Texas Hippie Coalition, qui s'appelle, Peacemaker. Il est excellent, mais il y a deux ballades. Ça n'a pas rapport, là. Fait que ça casse un peu le beat, là. Heureusement, ils sont en fin d'album. De toute façon, Monster Truck, ça fait partie de mon spécial, mais en deuxième partie. On va débuter spécial immédiatement à Stoner avec une formation qui, selon somme toutes les informations, se complaisent énormément. L'album s'appelle Dopes to Infinity. La pièce titre Dopes to Infinity, c'est la formation Monster Magnet et c'est un mélange de Stoner et de psychédélique. Je pense que ça va te plaire. Écoute bien ça, Monster Magnet. We'll be right back.

nothing left. Witchfinder. mardis à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Blanc. Hey, je beurre-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été à C'est fou. Hey Mathieu, c'est-tu correct? Ouais! L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. La radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. 20h38, et malheureusement, on ne pourra pas dissocier de ce qu'on entend à l'extérieur de la station de ce qu'on fait jouer ici. Donc, oui. Il pourrait y avoir des erreurs. Effectivement, c'est fou dans nos oreilles, présentement. Oui, effectivement, c'est très fou dans nos oreilles. On vient d'entendre la première partie de ce spécial Stoner Doom avec la formation Texas AP Coalition et la pièce Hands Up, pièce d'ouverture de l'album Peacemaker, Daniel Parusson, en 2012 sur Card Record. C'est vraiment super bon. Et le chanteur a toute une voix, d'ailleurs, au coffre qu'il a, c'est pas surprenant, il doit peser à peu près 400 livres. Cathedral, auparavant, et Hopkins, Witchfinder General, tiré de l'album que je préfère, et c'est la pièce que je préfère de Cathedral, soit le Carnival Bizarre, qui est paru en 95 sur E-Rake. The Sword et la pièce Cloak and Fetters, que l'on trouve sur Apocryphon, qui est paru en 2012 sur Napalm. Très, très, très bon album. Orange Goblin et la pièce The Bishop's Wolf, que l'on retrouve sur Analogy for the Dam, qui est paru en 2012 sur Candlelight. J'ai bien hâte à la prochaine parution de Orange Goblin. Et on a ouvert avec Monster Magnet et la pièce Dopes to Infinity, tirée de l'album du même nom, qui est paru en 95. Un mélange de stoner et de psychédélisme. Probablement enrobé de, j'imagine, du titre de l'album. Ceci étant dit, le 19 juillet, c'est la sortie du film The Conjuring, qui est un film de James Wan, celui qui nous avait produit plein de trucs qui étaient assez farfelus, tel ça, les cadences, si vous préférez. Donc, j'ai vu les previews et ça semble assez intéressant. Une série télévisée, dernière saison, que j'ai dévoré pratiquement en bas, je dirais au moins pour la moitié. Il s'agit de Spartacus War of the Dam, une série de Stephen S. The Knight, qui met en vedette Liam McIntyre, Manu Bennett, et excellent Manu Bennett dans le rôle de Crixus, et Dustin Clare. Cette fois-ci, c'est le dernier chapitre de cette épopée historique qui raconte l'histoire de Spartacus, un Thrace, ce n'est pas son vrai nom évidemment, c'est le nom que les Romains lui ont donné, qui était conquis lors d'une sanglante bataille et qui était fait prisonnier, donc esclave, et était contraint de devenir gladiateur au sein de l'école de Batiatus, avec les mauvais traitements qui s'ensuit, ainsi de suite, et cette confrérie de gladiateurs qui étaient très jalousés l'un envers l'autre. Donc, Spartacus met un terme à cet enchaînement et à cet esclavage pour se libérer en tuant tout ce qui est ici sur son passage. Et là, la troisième saison, eh bien, c'est lorsqu'il est parti en libérant certains esclaves et qu'il décide de monter son armée pour se venger de Rome. C'est extrêmement sanglant. Donc, il a laissé sa trace. Il a laissé sa trace, effectivement. Si on voit l'esprit vif pointu de Sinistros, probablement la dernière fois de l'année que vous l'avez entendu aussi rapide d'esprit que ça. Sinistros, c'est tellement sanglant, tellement violent, cette série-là, que T'as prenait... même perdu connaissance. Non, non, mais bon, je suis complètement en extase devant ça. Là. T'as même trouvé que ta job est insignifiante comparée à ça. Là. Ben, en fait, elle est beaucoup moins mouvementée, ça, c'est effectivement le cas. C'est très bon, c'est assez fidèle à la reconstitution historique, évidemment. Il y a du brodage pour en faire trois saisons, là. Mais l'action est vraiment au rendez-vous et on voit vraiment pourquoi cette grande, je dirais... peuplade romaine a été si décadente et si déchéante pour en arriver à rien. Là. Je pense qu'ils se sont eux-mêmes injectés la gangrène, là, quelque part. Là. C'est vraiment très, très discordant par rapport à ce qu'on... On s'en fait une idée de glorieuse, la glorieuse Rome. C'était vraiment le cas pendant plusieurs siècles. Mais c'était un peuple très décadent. C'est un peuple excessivement décadent qui n'avait que pour seul unique but de pouvoir s'enrichir et d'obtenir du pouvoir. Et au détriment, au détriment mortel de tous et chacun qui se mettraient en travers de leur route. Donc, Spartacus War of the Dam, pour les amateurs, faut pas oublier que Sam Raimi collabore là-dedans comme troisième scénariste et réalisateur et ça paraît énormément. Il devait s'ennuyer de son Evil Dead. Fait qu'il a mis énormément d'hémoglobine. C'est très explicite, c'est vraiment pas pour les enfants. Moi, j'ai donné un 9 sur 10 pour cette saison-là. Avant de revenir... Ah oui, le coup de masse de la soirée, c'est j'ai écouté le deuxième chapitre de The Last Exorcism qui vient de paraître en DVD en Blu-ray, qui est un film de Edgar Donnelly qui met en vedette encore la même petite fille possédée, Ashley Bell. J'avais bien aimé le premier qui avait été quand même assez original, tourné dans une espèce de forme de, je dirais, de documentaire romancé. C'était peu conventionnel, puis j'avais trouvé ça quand même assez bien. C'était assez punché par moments, puis c'était, je dirais... inattendu. Celui-là, c'est de la merde. J'ai donné 0 sur 10. Vous allez vous ennuyer royalement. Il se passe absolument rien. C'est poche, c'est nul. Puis en plus de ça, ben, les acteurs ils sont même pas bienvenus là-dedans. Fait que c'est oubliez ça. 0 sur 10 de Last Exorcism Part 2. Viking, je devrais commencer la saison bientôt, qui est une... c'est une collaboration canadienne... je pense que c'est irlandaise. C'est vraiment l'épopée des Vikings. Là. Donc, ça risque aussi un rated là-dessus. C'est sur History TV, donc ça risque d'être assez sanglant, ça aussi. Côté film que je vous... c'est pas vrai. La semaine prochaine, on sera pas là. Mais à notre retour, je vous ferai... Tu vas en avoir un peu. Oui. Je vais vous faire le commentaire du remake de Evil Dead. Le remake qui est paru il y a pas longtemps en salle. DVD Blu-ray disponible le 16 juillet. J'ai évidemment pas eu l'occasion de le voir, là, mais je vais vous en parler un autre tour. Un film que je vous conseille de découvrir ou de revoir et que tu as probablement connu, j'imagine que bien sûr. The Homeland. J'aurais bien aimé le remake qui a été fait en 2010. C'est vrai qu'il était très, bien. Très hein? bon, oui, il était bon, ce remake-là. Effectivement, c'est un des remakes qui méritait une mention. The Homeland, l'original de 1976 de Richard Donner, qui met en vedette de Gregory Peck. Ça, je vais avouer que j'ai eu peur un peu. Ben, c'est un film qui, écoute, juste dire, Harvey Stephens qui joue le rôle de Damien Thorne, qui était enfant à l'époque, et Lee Remick qui joue la femme de Gregory Peck, qui joue le rôle d'un... comment on appelle ça? Quand on dit qu'on a une immunité diplomate. Diplomate. C'est la réincarnation de l'Antéchrist, le fils de ce couple-là, Damien, et l'enfant... a vraiment l'air d'être la réincarnation de l'Antéchrist là-dedans. Là. Il a vraiment l'air diabolique, cet enfant-là. Là. Puis il est d'une cruauté absolument hallucinante. Écoute, c'est paru en 76, 3 ans après le fameux des Exorcism, qui était le film qui venait de franchir, qui venait de briser les limites là, de l'acceptable au cinéma d'horreur. Et celui-là a bien secondé 3 ans plus tard parce qu'il était beaucoup moins explicite à certains moments donnés. Il y avait moins de vomissures, il y avait moins de torsions de cou 360, mais il était tout aussi démoniaque, evil. Là. Donc, il y a une série à ça. Hein. Tu sais qu'il n'y a pas juste un des Romans, il y a un, deux, trois, là, puis ouais, même quatre. Là. Après le deuxième, oubliez ça. Là. C'est pas bon. Après le deuxième, le dernier, là, c'est interprété par c'est Damien Thorne, l'étadule qui a rendu magna d'affaires et de business. Comment il s'appelle? Il a joué le rôle de Merlin, lui, de Merlin. Celui qui joue dans le 4 As. Oui. Voyons, c'est quoi son nom? ça nous revient. J'ai un blanc de mémoire. Moi aussi, j'ai un blanc de mémoire. Peu importe, c'est vraiment pas bon. Mais The Omen, l'original 76, c'est vraiment un film extraordinaire. Je suis allé au cinéma le week-end dernier pour aller voir quelque chose qu'il me plaisait vraiment de voir et j'ai fait mon baptême de cinéma 3D le week-end dernier. J'avais jamais vu de 3D, à part quelques échantillonnages à gauche et à droite. J'ai allé voir World War Z, qui est un film qui met en vedette Brad Pitt, qui est un film de Mark Forster. C'est un trailer zombie et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est assez débile. Les zombies sont... C'est quoi ces twisted-là? C'est une invasion, c'est une marée de zombies. Là. C'est mondial. J'ai trouvé que c'était quand même bien mis en scène. Brad Pitt, écoute, je dois le dire, c'est un très bon acteur. Ben, il a toujours été bon dans pas mal tous les films qu'il fait. Pas mal tous les films qu'il fait, il est bon. Il est encore excellent ici. Il incarne facilement tous les rôles qu'on lui demande d'endosser, ou qu'il accepte pour le moins. Et il y a beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'action. Et ce que j'aime, c'est que c'est intelligemment. À la fin du film, ça nous dit pas comment, quoi a lieu la contamination. C'est peut-être pour ça qu'il est bon, Brad Pitt, parce qu'il a l'air à accepter juste des trucs qui lui plaisent. Qui lui plaisent. Mais maintenant, il y a le potentiel de le faire. Il y a le pouvoir de le faire. Parce que il y a tant pis après ça pour vivre. Comme Johnny Depp, c'est le même principe. Exactement. Ce sont des gars qui continuent à faire du cinéma par passion. Puis ils endossent des scénarios qui leur plaisent, des personnages qui leur plaisent, point final. Moi, j'ai donné 8.5 sur 10 à World War Z. J'ai adoré le 3D. Il y avait du monde qui me disait, regarde, tu vas peut-être pas aimer ça, c'est fatigant par moment. Moi, j'ai écouté 6 heures de 3D encore en plus. J'ai vraiment aimé ça. Peut-être que c'est le film, cette version 3D-là qui est bonne, qui était pas fatigante, mais j'ai vraiment aimé l'expérience et j'ai beaucoup aimé le film. Ceci étant dit, il est présentement 20h48 sur les ondes de CIFO 89.1 FM à réanimation des Undead Incorporated Show. Et Sinistro, c'est un nouvel album à nous proposer. Eh bien oui, deux en fait, parce que je vais vous dire tout de suite que mes deux prochains blocs, on se transporte carrément en Suède. Ça va juste être du stock de la Suède qui va se faire jouer pour ma part. D'accord. Alors, Sorcery, une ancienne formation suédoise qui avait sorti des albums dans les fin 80, début 90, qui avait tout laissé ça, puis qui a effectué un retour avec un album qui s'appelle Arrival at Six. Ben, c'est très réussi. Tu veux dire que cet album-là, Arrival at Six, il s'est passé plusieurs années avant Une vingtaine facile, d'après moi, là. On va vérifier ça avec le Metal Archive. Formation suédoise, tu me dis, hein? Ouais, Sweden. Qui ont été aussi acquis Sorceries. Comment ils s'appellent? Le premier album, là, regarde, c'est 1991, je crois. 91, effectivement. 91, puis le nouvel album, il est là 2013. Ah, ben, ça fait quand même un petit bail. C'est ça. Mais c'est très réussi. C'est un bon death trash dans ta face. Dans la mienne? Ouais, oui, dans la tienne. Pourquoi pas? Ben, vas-y. T'as un grand coup de pelle, là. Pis ben là, tiens-toi un petit peu. OK, d'abord, un coup de tronçonneuse seulement. Ah, je préfère. Alors, Arrival at Six, qui est sorti sur Extreme Music il y a quelques semaines. On va entendre trois pièces de l'album, les trois premières, et ça sera suivi de leur confrère Cold Worker. Alors, allons-y tout de suite. Sorcery, We Who Walk Among the Dead. Go! We'll be right back. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Chères auditrices et auditeurs, C'est Fou 89.1 FM vous présente ce message d'intérêt public. Bonjour, mon nom est Gustave et je dois faire une confession. J'adore l'émission Brancher le Monde, diffusée tous les jeudis midi sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Quand je pense qu'en une heure, je peux écouter la musique et l'actualité internationale, mais quel voyage extraordinaire! Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Assez fou, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Bientôt 13. Et effectivement, eh bien, il en reste moins qu'il en restait puisque ça se termine à 10 heures. J'espère qu'ils vont s'ennuyer pendant 5 semaines. Ben, je dis 5 semaines, là. Vraiment, je le vérifie là, immédiatement. Ben, c'est pas loin. Mais pas loin, c'est pas assez précis. C'est le 13 qu'on revient. Oui. Bon. Fait que c'est ça. Ça, je te disais. Ben oui. Pourquoi tu m'obstines? Bon, anyway. C'est une excellente émission qui joue pendant. Eh oui, on vient d'entendre de Chaperonnette à poids avec. que c'est bon. Avec Monsieur Muscle. Ah non, c'est ce qu'on écoutait sur YouTube. Pardon. Cold Worker avec Monochrome Existence, tiré de l'excellent album de Doomsayer's Call. C'est paru en 2012 sur Listenable Records. Tout juste avant, j'avais une présentation d'album d'un groupe suédois qui est à son deuxième album en 22 ans. Sorcery avec l'album Arrival at Six. On a entendu les pièces Master of the Chains, Created from Darkness and Rage et We Who Walk Among the Dead. C'est paru tout récemment sur Extreme Music. C'était bien, ça. Très, très bien. C'était bien. Aussi, lors de notre retour, soit mardi le 13 août prochain, eh bien, débutons la rétrospective 2013. Oui. Mais celle de 1983. C'est cela. Bon, non, je peux pas rien vous dire de ce qui va arriver d'ici ce temps-là. Vous irez voir l'essai de réanimation AD.com et vous le verrez dans la section spéciale. Qu'est-ce qu'on vous réservera rendu là? Soyez indulgents parce que d'ici pendant cette période-là, il va y avoir des mises à jour qu'on se fait sur le site, mais de façon moins sporadique. Parce que qui dit vacances, normalement, dit on décoche d'un paquet de choses. C'est ça qui nous passionne. Mais sans d'autres termes, ça peut ressembler à ça, effectivement. Je vais continuer de ce pas, cette deuxième partie de mon spécial Stoner Doom. On va débuter immédiatement avec la formation Corrosion of Conformities. Le dernier album paru de cette formation, l'album éponyme qui est paru en 2012 sur Candlelight et qui ne met en scène que les trois membres originaux de cette formation puisque Pepper Keenan ne pouvait pas y participer. Il était trop occupé avec Down, semble-t-il. Mais il fait toujours partie de la formation. Donc, on revient à une formation plus basique et c'est Mike Dean qui chante. C'est pas nécessairement le meilleur vocal que la musique ait eu, mais quand même, j'aime bien cet album-là de Corrosion of Conformities, ce qui fait plus stoner à tendance un peu doom, mais c'est... Ben, vous jugerez par vous c'est autres. Quelle année? Ben, celui-là, c'est 2012. Ah, oh, c'est le EP, ça, dans le fond. Non, c'est Full Length. OK, l'album. Ben, t'écoutes-tu quand je parle? Non, bon, je te l'apprenais à ta peau. Oui, effectivement. Moi aussi, j'aimerais bien l'écouter. Donc, on va aller passer le bloc tout de suite. Corrosion Conformities, go!

qu'était-ce? Tormented de Suède avec l'album. Tais-toi. Avec l'album Death Awaits. On a entendu les pièces IOTD ou Incantation of the Dead, Blood Orgy et Death Awaits. Il reste une pièce. Effectivement, donc, on devrait avoir le temps de passer même ta pièce d'IM. Wow, c'est bien. Alors, on va se terminer cette saison avec Tormented et Insane with Dread, tiré de l'album Death Awaits de 2013. Et si on a du temps, il y aura Aeon avec Nothing Left to Destroy, tiré de l'album Aeon's Black de 2012. Alors, sur ce, on se revoit au mois d'août. Le 13 août, on espère que vous allez passer une bonne été si elle finit par arriver, puis une mauvaise si elle n'arrive pas. De toute façon, on ne s'en tirera rien. Sinon, allez tous vous faire foutre. Hey, bonsoir.